Chapitre 20e, la troisième enceinte de Mercury Park. Loin de diminuer la volonté d'Olivier Coronal, le spectacle de cet assassinat ne fit que l'exaspérer davantage, la rendre plus inébranlable. Sa haine à l'égard de Hutchison augmentait de jour en jour, à mesure qu'autour de lui le jeune Français voyait s'avancer les travaux, s'augmenter le stock des canons à dynamite, des mitrailleuses automobiles, s'amonceler sous les hangars les obus et les torpilles. Il assista même aux essais d'un canon aérostat. Dans les laboratoires de chimie, dans l'usine au ballon dirigeable, la même activité régnait. Un ballon à nacelle explosible devait être lancé dans quelques jours. Et Skytown que je ne connais pas, se disait Olivier lorsqu'il voyait Hutchison prendre place dans le train de glissement qui y conduisait. L'impatience minait le jeune homme, enfiévrait son regard. Bien souvent, il avait prémédité d'assassiner le père de Ned. Non. « Ça serait inutile, réfléchissait-il ensuite. William Bolton et ses associés n'en continueraient pas moins leur œuvre, et je perdais tout espoir de me rendre utile, en même temps que tout le bénéfice de l'esclavage que je subis ici depuis bientôt un mois. » Plus acharné au travail que jamais, Hutchison restait plusieurs jours de suite enfermé dans son laboratoire. Tout d'un coup, il cessa d'y aller régulièrement, n'y fit plus que de courtes visites. Ce fut une indication pour Olivier. Le moment est venu d'agir, se dit-il. Évidemment, Hutchison a trouvé ce qu'il cherchait. À moi maintenant d'arriver derrière lui et de sauver l'Europe de ses griffes d'acier. Comment pénétrer dans la troisième enceinte? L'entreprise était téméraire, hérissée de difficultés. Mais le faux Jonathan Mills ne manquait pas d'énergie ni d'imagination. Son plan était arrêté depuis longtemps. Il se mit à l'exécuter avec un sang-froid mathématique. Tout d'abord, il lui fallait savoir d'où partait le blocus électrique, ce premier obstacle à vaincre. Ses fonctions de contremaître l'appelant souvent d'une enceinte à l'autre, Olivier profita du peu de liberté dont il jouissait. Un soir, il épia Hutchison, comme celui-ci se rendait à son laboratoire en compagnie de son nègre muet, Joey, une sinistre brute que ses cheveux blancs et ses gros yeux fixes rendaient hideux à voir. Olivier avait déjà remarqué, mais sans y attacher d'importance, qu'au lieu d'aller directement à la poterne de la troisième enceinte, l'inventeur, pour y arriver, faisait un détour et longeait la palissade établie en avant des murailles. La question était de savoir comment Hutchison s'y prenait pour pénétrer à l'intérieur, pour interrompre le blocus électrique. Rasant silencieusement les bâtiments, profitant des pans d'ombre, Olivier Coronal suivait de loin les deux hommes. Dans sa poche, sa main traînait un revolver de fort calibre. Il les vit ouvrir une petite porte dissimulée dans la palissade et la refermer sur eux. Il pénétra leur suite, il n'y fallait pas songer. Étouffant le bruit de ses pas, le jeune homme se rapprocha. À travers les interstices des planches, il put voir le nègre se baisser, déplacer quelques pavés, et mettre au jour une plaque circulaire de fonte semblable à celle qui protège dans les villes l'accès des égouts, puis, au moyen d'un anneau, la soulever. À ce moment, l'émotion d'Olivier était à son comble. Il manqua de tomber et heurta du front la palissade. Heureusement, le bruit que faisait Joey ne permit pas à Hutchison d'entendre le choc. Le jeune Français avait eu quelques secondes d'angoisse. La sueur mouillait son front. Il vit encore les deux hommes descendre par la trappe. Le bras vigoureux du nègre ramenait la plaque de fonte à sa place. Olivier entendit des pas qui s'enfonçaient sous le sol. Il s'éloigna vivement, craignant d'être surpris. Cette nuit-là, il ne dormit guère. Il était trop agité, trop ému de ce qu'il lui avait été donné d'apercevoir. Ce dont il était certain, c'est que pour se rendre à son laboratoire, Hutchison passait en dessous des murailles de la troisième enceinte. Le lendemain était un dimanche, Olivier résolut d'en profiter. Ce jour-là, pas plus que ses ouvriers, le directeur de Mercury Park ne travaillait. Il ne risquerait pas d'être surpris immédiatement si toutefois il avait le bonheur de réussir à pénétrer dans le laboratoire. Dès l'aurore, il fit ses préparatifs. Il emporta ses chaussons et ses gants de gutta-percha. Au milieu des dangers inconnus et des pièges électriques qu'il fallait affronter, ces isolateurs lui étaient indispensables. Il pensait que Hutchison avait dû accumuler les obstacles et les engins de défense. Sournoisement, les décharges électriques devaient guetter, happer au passage, foudroyer l'imprudent. Avec son trousseau de fausses clés, sa lanterne sourde, il fit un petit paquet. Il pensait avoir besoin de rester plusieurs heures dans le laboratoire. Il lui fallait le temps de se rendre compte de la nature des engins enfouis là par Hutchison. Qu'importait qu'on remarquât son absence aux usines? Olivier comptait bien n'y jamais revenir, s'échapper au plus vite. Et les documents en main, avertir le gouvernement français du péril transatlantique. La journée lui parut interminable, le temps était couvert, la nuit s'annonçait opaque, sans étoiles. Dans la fraîcheur du soir, quelques ingénieurs causaient entre eux. « Nous allons bientôt avoir une visite, » disait l'un. « Voici la fin du mois, ils sont même en retard. »« Ah oui, la délégation mensuelle. Quels sont les trois qui viendront cette fois ?»« Moi, je parle pour le grand blond à nez d'oiseau de proie, » fit son voisin. « Fred Wilkinson, le président de la Société des aciéries américaines, peut-être bien. » « Et moi pour le gros lourdeau barbu, » s'écria un autre ingénieur. « Philippe Saddam, le marchand de forêt, » reprit le même qui avait déjà nommé Fred Wilkinson. « Je ne sais pas son nom. »« All right. Je tiens moi pour celui dont la figure ressemble à une tomate trop mûre. »« Sips Rodson ?»« Oui, Sips Rodson, le distillateur qui fabrique à lui seul plus de la moitié du gin que l'on boit chaque année dans l'Union. »« By God, vous êtes bien renseignés, » remarquèrent ensemble les parieurs. Et comme, n'ayant sans doute rien de mieux à faire, ses collègues continuaient très gravement leur pari. « Vous faites une besogne inutile, personne ne gagnera. Pourquoi ? Expliquez-vous » cria-t-on encore. « Je ne devrais pas vous le dire, » reprit l'ingénieur qui avait l'air si bien renseigné. Il paraît que cette fois, Attison les a tous convoqués. De grandes expériences doivent avoir lieu dans la troisième enceinte. Les dollars des parieurs rentrèrent dans leur poche. « Ah, » fit-on, « et quand cela ?» Vous m'en demandez trop, par exemple, un de ces jours. Il viendra avec le train de William Bolton. Olivier Coronal en savait assez. Il prit congé de ses collègues et regagna sa chambre. Je ne me suis pas trompé, pensait-il. Attison vient de terminer son œuvre. Il n'alluma pas sa lampe. Assis dans l'ombre, par la fenêtre entrouverte, il contempla Mercury Spark, effrayant dans les ténèbres. Olivier se croyait plongé dans un de ses rêves où des monstres terrifiants vous guettent avec leurs gros yeux ronds et phosphorescents. C'était bien un monstre, en effet, que la colossale cité d'acier assoupie dans l'ombre, qui se réveillerait demain avec les sifflements de ses innombrables machines, le ronflement de ses dynamos et de ses générateurs. Tacheté de mille feux violets, le jeune homme la reconstituait pièce à pièce, et lorsque ses yeux s'arrêtaient sur la troisième enceinte, il se sentait pris d'un tremblement nerveux. 9 heures seulement venaient de sonner. Il n'était point encore temps. Il fallait attendre que tout le monde fût endormi, que les gardiens eussent fait leur dernière ronde. Au moment d'affronter la mort, le souvenir de Miss Aurora lui revenait avec persistance et son cœur se mettait à battre. Olivier sentait se déchirer quelque chose en lui, à l'idée que jamais il ne la reverrait, si troublante, avec ses grands yeux d'émeraude, ses lourdes tresses blondes, toute sa beauté, sauvage un peu, ses lèvres comme saignantes dans la blancheur liliale de son teint. Il se rappelait leur dernière rencontre, ce bal, où il l'avait tenue dans ses bras, grisée, et l'éclair humide de son regard, et le frémissement de sa jeune poitrine de vierge orgueilleuse, vaincue par l'amour. Le jeune homme souffrait atrocement. Que venait faire en lui ce souvenir au moment où il ne s'agissait plus que du salut de la patrie et de l'humanité? Allait-il défaillir au moment suprême? Allait-il abandonner la lutte? Non, s'écria-t-il avec violence, je ne dois pas me souvenir. Et profitant de son exaltation, fiévreusement, Olivier Coronal prit à la main sa lanterne sourde, mit le paquet qu'il avait préparé sous son bras et se glissa au dehors. Il emportait avec lui toute sa fortune, ce qui lui restait des 10 000 dollars gagnés à Chicago chez l'ingénieur Strauss. La fraîcheur de la nuit le calma un peu. D'un pas ferme, évitant toutefois le plus qu'il le pouvait les projections lumineuses des phares, il se dirigea vers le cottage de Attison. Il importait tout d'abord de savoir si le directeur des usines était bien chez lui. Après un trajet de quelques minutes, tremblant toujours d'être arrêté par une main, un piège invisible, Olivier aperçut les vitres de la maisonnette derrière lesquelles tremblait une lumière. Il rebroussa chemin et cette fois se dirigea vers la troisième enceinte. Pas un astre ne brillait dans le firmament. Olivier ne voyait pas à 2 mètres devant lui et pourtant il n'osait allumer sa lanterne sourde. Pendant plus d'un quart d'heure, il marcha sans s'arrêter dans la ville endormie, sans perdre de vue le fanal qui, là-bas, brillait au-dessus du laboratoire. Parfois, croyant entendre marcher derrière lui, il s'arrêtait, blotti dans un angle de muraille, prêt à tirer de sa poche le poignard effilé qu'il tenait tout ouvert dans sa main. Rassuré par le silence absolu, il reprenait sa marche. Il atteignit enfin les palissades et peu après la petite porte secrète. Elle n'opposa pas beaucoup de résistance au crochet. Même lorsqu'Olivier l'eut refermé, il ne restait aucune trace d'effraction. Il n'eut pas non plus de peine à trouver l'entrée du passage souterrain. La plaque de fonte était à nu, mais, pour la soulever, il lui fallut faire des efforts surhumains. Dans la nuit, le bruit qu'il faisait se répercutait en écho. Au-dessus des bâtiments des usines et des tourelles, projetant leur ombre en longs pans striés de lumière électrique, les poteaux télégraphiques prenaient les allures sinistres de gibet. Les tempes de l'audacieux Français battaient. Ses nerfs tendus donnaient à son visage une expression fiévreuse et bouleversée. Seulement alors, il se décida à allumer sa lanterne pour pénétrer dans le souterrain. Il la posa sur la première marche de l'escalier de fer qui s'enfonçait sous les murailles de l'enceinte. Puis, par-dessus ses mains, il mit les gants de gutta-percha, chaussa les bottes de même substance, s'engagea à mi-corps dans la trappe et se mit en devoir de replacer la plaque de fonte. Elle lui échappa et retomba avec un bruit formidable, ébranlant les marches de l'escalier. Ce bruit insolite ne va-t-il pas donner l'éveil ? Se demanda-t-il avec angoisse. Pendant plus d'un quart d'heure, l'oreille collée à la trappe, il attendit, mais aucun pas ne se faisait entendre. Résolument, Olivier Coronal s'engagea dans le passage souterrain. L'escalier n'avait qu'une vingtaine de marches, une voûte humide le continuait. Les souliers de gutta-percha amortissaient le bruit des pas du jeune homme. Il glissait plutôt qu'il ne marchait, évitant soigneusement de toucher les murailles, dans lesquelles pouvaient être dissimulés des appareils avertisseurs ou de puissants courants électriques. La lanterne sourde ne laissait passer qu'un mince fil de lumière. Silencieux, à cause de ses chaussons isolateurs, Olivier se donnait à lui-même l'impression d'un fantôme rôdant dans on ne savait quelle catacombe. La voûte souterraine allait en se rétrécissant. Une porte massive finit par arrêter le jeune homme dans sa marche. Il l'examina. Aucune trace de gonde n'apparaissait non plus que de serrure. Elle semblait devoir glisser dans des rainures verticales. D'une poussée, il vite reconnut que jamais il ne parviendrait à vaincre cet obstacle. Soudain, un cadran lui apparut dans un angle de la muraille. « À quoi peut-il bien servir, se dit-il, sinon à ouvrir cette porte ?» Sans ordre apparent, les lettres de l'alphabet étaient disposées autour du cercle d'émail, au centre duquel un pivot faisait mouvoir deux aiguilles. La difficulté n'était pas vaincue. Loin de là. Sans doute, pour faire jouer le mécanisme, il fallait reproduire un nom secret avec les caractères du cadran, en amenant les aiguilles l'une après l'autre avec les lettres qui le composaient. Olivier connaissait bien ce genre d'appareil. Il en avait souvent fabriqué de semblables. « Je puis passer des journées entières, se disait-il avant de trouver le mot qui ouvrirait la porte. Et puis ce n'est peut-être qu'un piège. Attison est assez ingénieux pour avoir fait communiquer ses aiguilles avec des accumulateurs électriques. » La lanterne posée sur le sol, il réfléchissait. « Qu'importe, finit-il par s'écrier, j'irai jusqu'au bout, je tenterai ce dernier effort. » Les aiguilles tournaient toujours, il en saisit une et lui fit accomplir la moitié de sa révolution. « Qui sait ?» « C'est peut-être le propre nom de Attison, » fit-il. « Essayons. » Il fut vite détrompé. « Boltine alors !» s'écria-t-il, pris d'une sorte de rage. Même un succès. Il commençait à désespérer lorsque tout à coup une idée de génie traversa son cerveau. Sur le cadran, une des aiguilles marquait A, l'autre U. « Aurora !» Ce nom s'échappa de ses lèvres dans une sorte de divination. Fiévreusement, il manœuvra les aiguilles. Successivement, il les fit glisser aux lettres, R, O, R. Ses doigts tremblaient d'émotion. Au moment précis où le A final s'indiqua sur le cadran, un déclenchement se produisit. La porte massive glissa dans ses rainures. L'entrée de la troisième enceinte était libre.